الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Continue quelques commentaires sur le livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. On s'est arrêté au chapitre des deux prières. Le dernier hadith expliqué était le hadith de Atiyah رضي الله تعالى عنها. Et dans ce hadith, on avait cité parmi les فوائد إن مصلى العيد له حكم المساجد. Le troisième point cité en page 391 de la tab'a de Dar al-Maiman, lorsque Cheikh al-Bassam dit إن مصلى العيد له حكم المساجد, que la musalla de l'Aïd, l'endroit dans lequel la prière de l'Aïd est accomplie, a le jugement de la mosquée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes qui étaient indisposées de se an ya'tazilna musalla al-muslimin, de s'abstenir d'entrer dans cet endroit de prière réservée aux musulmans lors de Salat al-Aïd. Et je vous avais dit que j'allais vous citer les paroles de quelques savants autour de ce sujet, qui est: est-ce que la musalla de l'Aïd a le jugement de la mosquée? Et la question qui en découle: est-ce que lorsque l'on arrive dans la musalla de l'Aïd, lorsque l'on dit musalla, c'est un terrain vague? C'est un terrain vague qui est utilisé pour accomplir les prières de l'Aïd, que ce soit Aïd al-Fitr ou bien Aïd al-Adha. Pourquoi un terrain vague? Car c'est un terrain qui peut contenir le plus grand nombre de musulmans. Car il est demandé que le jour de l'Aïd, eh bien, le rassemblement des musulmans soit le plus grand. Et quitte à ce... Et la sunna est donc de se rassembler dans un terrain vague qui puisse accueillir tout le monde. Et ainsi, alhamdoulilah, en islam, tout est géré, tout est coordonné. Les cinq prières, la personne les fait dans la mosquée de son quartier. La prière de l'Jumu'ah, elle est faite dans al-Masjidul Jami'ah, la grande mosquée qui réunit toutes ces petites mosquées. Et le jour de l'Aïd, c'est toutes ces grandes mosquées qui sont réunies dans Al-Musalla. Et quel est donc le jugement de Tahiyatul Masjid lorsqu'on arrive dans Al-Musalla? Est-ce que c'est le jugement d'une mosquée ou est-ce que la personne s'assied directement en attendant l'arrivée de l'imam, ou bien est-ce qu'il doit accomplir deux unités de prière? Il y a une divergence des savants à ce sujet. Certains considèrent que tu ne fais pas tahiyat al-masjid. D'autres considèrent que tu le fais. Parmi ceux qui considèrent que tu ne le fais pas, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui a été questionné à ce sujet, et il a répondu, rahimahullah, en disant: وأفيدك بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي لكونها من ذوات الأسباب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. Donc lorsque Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a été questionné, il a répondu. au questionneur et je t'informe que la prière de l'Aïd ou la prière des deux fêtes, lorsqu'elle est accomplie à la mosquée. Donc on a dit la sunna c'est de faire salat al-Aïd ou dans la musalla. Mais il est autorisé de la faire à la mosquée. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit si la prière des deux fêtes est accomplie dans la mosquée, alors il est légiféré pour celui qui se rend à la mosquée d'accomplir les deux unités de prière, tahiyatul masjid, même si cela a lieu dans un des horaires dans lesquels il est détestable de prier. Car la prière de l'Aïd fait partie des zawat al-asbab, des prières qui ont une cause. Les umum iqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir accompli deux unités de prière. Et si la prière des deux fêtes est accomplie dans al-musalla, qui est réservé et qui est préparé pour la prière de la fête. Alors, ce qui est légiféré est de ne pas prier avant la prière de l'Aïd. Car Al-Musalla n'a pas le même jugement que la mosquée sur tous les points. Et également, parce qu'il n'y a pas de sunnat al-Aïd. La prière de l'Aïd n'a pas de sunnat ni avant, ni après. C'est la réponse de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et l'Ajna Da'ima, le comité permanent des savants d'Arabie Saoudite, ont également été questionnés. Min al-thabiti an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu kharaja ila salati al-Aidaini ila al-Musalla wa kharaja ma'ahu al-Rijal wa al-Nisa wa kharaja ba'dahu al-Sahaba radiyallahu anhum ajma'in. فهل يجوز للذي خرج إلى صلاة العيد أن يصلي ركعتي تحية المسجد في المصلى أم لا؟ الجواب الحمد لله لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين تحية قبل أن يجلس لأن صلاة التحية بالمصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبالله التوفيق. Le comité permanent a également été questionné. Il est connu, il a rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait pour la prière de l'Aïd et sortait avec lui les hommes et les femmes et sortait également après lui les compagnons رضي الله عنهم. Est-il autorisé pour celui qui sort à la prière de l'Aïd de prier deux raka'at tahiyatul masjid dans l'endroit de prière, dans la musalla, ou non? La réponse, louange à Allah, il ne prie pas celui qui entre dans la musalla de l'Aïd, les deux raka'at qui sont appelés tahiyatul masjid, avant de s'asseoir. Car la prière de tahiyya, de salut, dans la musalla est contraire à ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Wabillahi al-tawfiq. Et d'autres savants l'autorisent, parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Il dit, dans le sixième volume de ses fatawa, rahimahullah, وَمِنْ أَحْكَمِ صَلَاتِ الْعِيدِ أَنَّهُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لأن مصلى العيد مسجد بدليل منع الحيض منه فثبت له حكم المسجد فدل على أنه مسجد وإلا لما ثبتت له أحكام المسجد وعلى هذا فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما عدم صلاته صلى الله عليه وسلم قبلها وبعدها فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد. إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد. ولأننا لو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا ليس لمسجد الجمعة تحية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي ركعتين ثم ينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته، فلم يصلي قبلها ولا بعدها. والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية للمسجد، تحية المسجد. ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة، لأنها مسألة خلافية، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحا كل الوضوح. فمن صلى لا ننكر عليه، ومن جلس لا ننكر عليه. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, est parmi les jugements relatifs à la prière de l'Aïd. Beaucoup de savants, donc la majorité des savants, considèrent qu'il n'y a pas de tahiyyat al-masjid lorsque l'on arrive dans la musalla de l'Aïd. Beaucoup de gens, parmi les gens de science, considèrent que le prieur, lorsqu'il arrive dans la musalla de l'Aïd, avant l'arrivée de l'imam, qu'il s'assied sans prier de raka'at. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de l'Aïd raka'atayn, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a prié avant celle-ci, ni après celle-ci, aucune prière. Et d'autres savants sont de l'avis que celui qui vient à la musalla de l'Aïd, il ne doit pas s'asseoir avant d'avoir prié deux raka'at. Car la musalla de l'Aïd en islam, est-ce que la parole d'un ski et leur preuve est l'interdiction des femmes indisposées d'y pénétrer. Ainsi, la musalla a le jugement de la mosquée. Cela prouve que c'est une mosquée. Sinon, les jugements relatifs à la mosquée n'y auraient pas été appliqués. Et de ce principe, en considérant la musalla comme une mosquée, alors s'applique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir accompli deux raka'at. Et quant au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas deux raka'at, ni avant ni après la prière de l'Aïd, cela s'explique par le fait que lors de la prière de l'Aïd, lorsque l'imam arrive, qu'est-ce qu'il fait en premier? Qu'est-ce qu'il fait? La khutba? Ou la salat? Le jour de l'Aïd? C'est pas le jumu'ah. Le jour de l'Aïd, l'imam commence par la prière. Il dit directement, istaou, Allahu Akbar. Il n'y a pas d'iqama, il n'y a pas de khutba avant. La khutba se fait après. Donc, Cheikh Al-Uthaymin dit, c'est ce qui explique le fait que le professeur Hassan ne priait pas deux raka'at avant, car la khutba al-Aïd commence directement par la prière. Puis il dit, rahimahullah, donc je résume, وَلَدْ يَتَرَجَّحُ عِنْدِي, et ce qui est l'avis le plus fort chez moi, c'est que la mosquée de l'Aïd, que la musalla de l'Aïd est une mosquée et que celui qui s'y rend doit accomplir deux unités de prière. Et il dit, rahimahullah, wa ma'a thalik. Mais, même avec ceci, nous ne devons pas nous chamailler les uns les autres et nous condamner les uns les autres dans ce sujet, car c'est un sujet de divergence. Et écoutez bien la parole qui va suivre de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحا كل الوضوح. Et il n'est pas autorisé de condamner des personnes dans des sujets de divergence, sauf lorsqu'il y a un texte clair. Et cette parole de Cheikh est très importante, car il y a une nouvelle mode actuellement qui dit, tu as ton avis, il y a des savants qui le disent, j'ai mon avis, il y a des savants qui le disent, respecte-moi, je te respecte. Mutlaqan, comme ça. Et ceci est une compréhension erronée de l'islam. Pourquoi? Qu'est-ce qui est considéré comme une preuve en islam? C'est Al-Qur'an et As-Sunnah. Ce sont les deux sources qui sont considérées comme des preuves en islam. Est-ce que la parole d'un savant est une preuve en islam? Non. Qawlul 'alim yuhtajju lahu wa la yuhtajju bih. La parole du savant, on l'utilise pour expliquer un dalil. On a un dalil et on vient rapporter l'explication d'un savant. Donc on vient appuyer le dalil par la parole du savant. Mais on ne fait pas de la parole du savant un dalil en soi. Car ceux qui ont ouvert ces portes-là, ils ont ouvert une porte qu'ils ne pourront jamais fermer. Dans des sujets qui seront clairs, où les hadiths seront clairs, à partir du moment où un savant aura dit le contraire ou aura émis une fatwa autre, eh bien, tu devras respecter cette divergence. Non. Toute divergence n'est pas forcément respectable. Il y a des divergences, oui, que l'on doit respecter, car les savants ont de part et d'autre des preuves qui sont fortes. Et il n'y a pas un hadith clair et net qui vient trancher dans ce sujet-là. Mais il y a bien d'autres sujets où les hadiths sont clairs. Même si 1000 savants viennent dire le contraire, on n'accepte pas leurs paroles. Raser la barbe, par exemple. Et qui vont dire, raser la barbe, c'est makro. Oui, mais le professeur Hassan m'a dit, Aouful liha, il y a des dizaines de hadiths à ce sujet, qui sont authentiques. Akhi, t'as ton avis, je le respecte. Moi, j'ai mon avis. Il y a des savants qui disent que c'est makro, respecte mon avis. Là, on dit non, akhi. C'est quoi la réponse au dalil qui est clair? Le professeur Hassam nous ordonne de laisser pousser la barbe. Le professeur Hassam avait une barbe. Ses compagnons, radiallahu anhum, avaient une barbe. La barbe, c'est la sunna des prophètes et des envoyés d'Allah, alayhim salam. Les savants de l'islam sont tous venus appuyer cela. Et le fait de se raser la barbe n'est rentré chez les musulmans qu'à cause de la colonisation dans les dernières décennies. Auparavant, c'était une honte pour un homme de raser sa barbe. Et maintenant, tu viens me dire, tel savant dans tel livre est de l'avis que telle et telle chose est déconseillée ou non. Ou d'autres qui justifient les scènes de théâtre. Ça, c'est ce qui est le plus étrange que j'ai entendu. Certains font des scènes de théâtre dans les mosquées. Il y a des hadiths clairs sur ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, malheur à celui qui ment pour faire rire les gens. Les savants ont rapporté de nombreuses preuves qui prouvent l'interdiction de faire des scènes de théâtre. Car tu représente une personne que tu n'es pas. Et certains même, pour faire passer des morales, se représentent comme étant des pervers et sont amenés à dire des paroles qui sont contraires à l'islam, voire des insultes, voire dire du kufr. Car une personne qui va se représenter comme étant un égaré ou un zindir ou un mécréant, est-ce que il ne va pas être amené à dire des paroles de mécréance pour faire croire aux gens qu'il est mécréant? Donc il va dire des choses de mécréants, il va prononcer des paroles de mécréants, walayadu billah. Les paroles sont claires, les savants sont quasi unanimes sur ce point-là, et certains justifient ces actes ignobles en disant non, j'ai trouvé la parole d'un savant qui dit que c'est autorisé. Maintenant, je te demande de respecter la divergence. T'as ton avis, j'ai le mien, respecte-moi. Et les hadiths du prophète, on en fait quoi? On les jette? On ne les prend pas en compte? Les quatre imams n'ont-ils pas dit, lorsque vous voyez ma parole qui contredit la parole du prophète, prenez-la et jetez-la contre le mur? Les grands imams, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed ont tous dit cette parole. Pourquoi? Car ils savent que ce sont des êtres humains qui font des erreurs comme ils peuvent être dans la vérité. Et on ne suit aveuglément personne autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là que la parole de Cheikh est extrêmement importante lorsqu'il dit « Illa idha kana nassu wadihan kullal wudu'. » Sauf si le texte est clair et net et n'accepte aucune autre interprétation. Donc ça c'était concernant le jugement d'accomplir les tahiyyat al-masjid dans la musalla de l'Aïd. ثم قال المؤلف رحمه الله التكبير في العيدين وهو ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Après avoir parlé de la prière des deux fêtes, il y a le chapitre du takbir pendant les deux fêtes. Et Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, cite ici un résumé d'une parole de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. وقته أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والخلف والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة مفروضة وعند خروجه إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. Le moment dans lequel on fait le takbir lors des deux fêtes. Cheikh al-Islam, rahimahullah, dit « La parole la plus véridique concernant le takbir, une parole qui a été mise en pratique par la majorité des pieux prédécesseurs, de ceux qui les ont suivis et des grands imams, c'est que le takbir commence du fajr, de la prière du fajr du jour de Arafah, du neuvième jour, jusqu'à le dernier jour de Tashriq. Et Ayam ou Tashriq, ce sont les trois jours qui suivent le jour de l'Aïd. Jusqu'à la fin des jours de Tashriq, après chaque prière obligatoire. Et également de faire le takbir lorsque l'on sort pour accomplir la prière de l'Aïd. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. Et ceci à l'unanimité des quatre imams. Et ceci selon le consensus des quatre imams. À kulli hal, dans cette parole de toute prière, après toute prière obligatoire, effectivement, beaucoup de savants disent cela, mais certains savants considèrent que de se restreindre après chaque prière uniquement, de faire le takbir uniquement après chaque prière pendant ces jours, que cela n'est pas légiféré et qu'il n'y a pas de preuves qui viennent spécifier à ce point. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, comme le disent les savants, deux sortes de takbir. Il y a al-takbir al-mutlaq ou al-takbir al-muqayyad. Al-takbir al-mutlaq, c'est de faire le takbir durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ici, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Ici, le takbir se fait de façon générale, à tout moment, en toutes circonstances. Et d'autres savants ont expliqué qu'il y a aussi التكبير المقيد, qui est ce takbir ici, qui commence du matin du jour de l'Aïd jusqu'au dernier jour de Ayyam al-Tashriq. Du Fajr, du jour de Arafah, jusqu'au dernier jour de Ayyam al-Tashriq. Et à la coulée de d'autres savants, on dit également que ce takbir ici, il est propre à al-Muhil. Qui est le Muhil? Celui qui n'est pas en pèlerinage. C'est lui qui fait ce takbir. Quant au Hajj, à celui qui est au pèlerinage, le mieux pour lui est de faire la talbiya. Comme le dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. À la coulée de Cheikh Al-Albani, par exemple, dit que le takbir pendant ces jours est également mutlaq. Tu dois le faire tout le temps. Avant la prière, après la prière. Il a même été questionné, est-ce qu'on peut la faire avant l'iqama? Il a dit oui. Ce takbir-là, tu le fais autant que tu peux. Et la particularité également de ce takbir, c'est qu'il se fait à voix haute. Contrairement au dhikr, de façon générale, il se fait à voix basse. Elle se fait à voix basse. Et d'autres savants utilisent un hadith, mais je ne l'ai pas trouvé, saraha, dans lequel il est cité que les compagnons faisaient le takbir après la prière. Et Cheikh Al-Albani dit, nous ne condamnons pas le fait de faire le takbir après chaque prière. Ce que l'on condamne, c'est le fait de le faire qu'après les prières et uniquement. Et de se contenter de les faire qu'après la prière et de ne plus faire le takbir pendant les autres moments. On le fait après la prière, avant la prière, etc. Et les savants sont également unanimes que le takbir se fait de façon individuelle. Il ne se fait pas en groupe. Comme ce que font les imams le jour de l'Eid où après chaque prière ils disent Allahu Akbar, les gens disent Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non, chacun fait le takbir de son côté. Sifatuhu. وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة ما روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو مروي عن ابن عمر واختار الأول أبو حنيفة وأحمد وغيرهما ومن الناس من يثلثه أول مرة ويشفعه ثانية مرة ويعمل به طائفة من الناس. Comment se fait ce takbir? Ce takbir est rapporté par le plus grand nombre de compagnons. Il était rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette façon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Et certains savants considèrent qu'il faut faire le takbir à trois reprises uniquement, c'est-à-dire de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. D'autres disent le takbir à trois reprises et disent par la suite, comme cela est rapporté dans le hadith, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Et c'est la version de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. Et c'est cette formule, cette façon de faire le takbir qui a été choisie par l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed et d'autres. Et certains également disent le takbir trois fois au début. Ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Puis ils disent Allahu Akbar deux fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Dans le hadith rapporté au début, Allahu Akbar, Allahu Akbar est dit combien de fois au début? Deux fois. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Certains disent le takbir trois fois au début. وقاعدتنا في هذا الباب الصح القواعد وهي أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به ولم يكره شيء من ذلك بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف ونوعي الأذان ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها وأنواع التشهدات وأنواع الافتتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة والقنوت بعد الركوع وقبله وغير ذلك. ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادات المتنوعة في الوقت الواحد والجمع بينها في مقام واحد من العبادة بدعة، وكذلك التلفيق والجمع بينهما لا يشرع، والصواب التنويع في ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإحياء لجميع سننه بعمل هذا مرة وعمل الآخر مرة أخرى، ففيه تأليف قلوب الأمة وإحياء للسنة متابعة له صلى الله عليه وسلم. Et la règle dans ce chapitre et dans les autres, qui est la règle la plus authentique, qui est que les différentes façons d'accomplir les adorations, que ce soit par les paroles ou par les actes, lorsqu'elles sont rapportées de façon authentique et qu'aucune de ces façons n'est déconseillée, alors elles sont toutes légiférées. Elles sont toutes légiférées. Toutes ces façons de faire sont légiférées. Comme nous l'avons dit, donc là c'est Cheikh l'Islam Damien qui parle, comme nous l'avons dit concernant les différentes façons d'accomplir la prière de la peur. Les deux façons de faire l'adhan, les deux façons de faire l'iqama, les différentes façons de faire at-tashahhud, les différentes façons de faire al-istiftah au début de la prière, les différentes façons de demander la protection d'Allah, les différentes façons de faire le takbir le jour de l'Eid, les différentes façons d'accomplir la prière mortuaire, les différentes façons de faire al-qunut. Al-qunut peut se faire avant le rukur comme après. Et il est connu qu'une personne ne peut faire toutes ses adorations dans un seul et même moment. Et il dit même, rahimahullah, que le fait de rassembler toutes ces différentes façons de faire dans une seule adoration est une innovation. Ainsi, il y a différentes façons d'accomplir des adorations, comme l'a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah. Différentes paroles à prononcer, différents actes à accomplir pour une même adoration. Tu as le droit, elles sont toutes légiférées. Tu as le droit de toutes les faire, mais tu n'as pas le droit de toutes les rassembler en une seule et même fois. Par exemple, de al-istiftah, il y a plus de 11 façons de faire de al-istiftah. Est-ce qu'il est autorisé à une personne, lorsqu'il commence la prière, il dit Allahu Akbar, il récite les 11 façons de faire, de dire. C'est légiféré ou pas? Non. Cheikh Nusaym Tamiyah considère cela comme une innovation. Mais, une fois dit cette formule, dans l'autre prière, tu dis l'autre formule, etc., etc. Ainsi, tu varies tes adorations et tes paroles. Mais quand aller dire toutes dans une seule et même adoration, وَكَذَلِكَ التَّلْفِيقُ وَالْجَمْعُ بَيْنَهَا لَا يُشْرَعُ. Également, le fait de relier et rassembler ces différentes façons. Quand tu dis, je ne vais pas dire les 11, mais je vais en dire 2. Là aussi, cela n'est pas légiféré. Mais la vérité dans ce sujet, c'est de changer de temps en temps. En guise de suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu fais revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? En faisant de temps en temps de cette façon, et de temps en temps de l'autre. Et ceci va permettre de ne pas être pris de lassitude dans tes adorations, car elles ne seront pas les mêmes, mais elles se feront de façon différente, bien sûr de façon légiférée, et cela permet également de faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف رحمه الله التكبير عند الأمور الهامة. Après avoir parlé du takbir pendant les deux fêtes, il parle du takbir pendant les moments importants. Qala rahimahullah. Donc il cite toujours la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. إذا كانت السنة قد جاءت بالتكبير في عيد النحر في صلاته وخطبته ودبر صلواته وعند رمي الجمار وعند الفراغ من الصيام وعند هدايته فإنه صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال الله أكبر خربت خيبر وكان يكبر إذا أشرف على محل وإذا ركب دابته وإذا صعد الصفا والمروة وجاء التكبير في الآذان والإقامة للصلاة وعند الدخول في الصلاة وعند إطفاء الحريق وشرع التكبير لدفع العدو ودفع الشياطين. Il dit rahimahullah. Parce que la sunna est venue en nous enseignant le takbir le jour de Eid al-Adha, pendant la prière, la khutba et après les prières. Parce que la sunna nous a enseigné également le takbir lorsque l'on lapide les stèles pendant le pèlerinage, après avoir terminé le jeûne. Et vous savez que le takbir se fait aussi lors de Eid al-Fitr. Et quand est-ce que le takbir se termine lors de Eid al-Fitr? Après la prière de l'Eid. Et lorsque une personne est guidée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a gagné la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allahu Akbar kharibat Khaybar ». Allah est le plus grand, Khaybar sera détruite. وَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir lorsqu'il montait dans un endroit élevé. Il faisait le takbir lorsqu'il montait sur sa monture. Il faisait le takbir lorsqu'il montait sur le mont As-Safa et Al-Marwa. Le takbir a été rapporté dans l'Adhan. Il a été rapporté dans Al-Iqama. Il a été rapporté lorsque l'on veut rentrer dans la prière. Il a été rapporté également lorsque l'on veut éteindre le feu. Et il a été rapporté, c'est-à-dire le takbir, pour repousser l'ennemi et pour repousser les diables. Concernant la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'il a dit, et il a été rapporté pour éteindre le feu. Il fait allusion, rahimahullah, à un hadith que Cheikh l'Albani, rahimahullah, a rendu faible, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرِيقِ فَكَبِّرُوا فَإِنَّهُ يُطْفِئُ النَّارِ » Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Lorsque vous voyez le feu, les flammes, faites le takbir, car il éteint le feu. » Faites le takbir, car le takbir éteint le feu. Et l'imam Ibn Qayyim rahimahullah cite dans Zadul Ma'ad, le volume 4, la page 194. فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو وفي الأرض والفساد. Il dit, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, le feu et le diable, tous deux veulent la suprématie sur terre et là, et la destruction. وكبرياء الله عز وجل تقمع الشيطان وفعله. Et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala vient rabaisser le diable et ses actes. ولهذا كان تكبير الله عز وجل له أثر في إطفاء الحريق. C'est pour cela que le takbir de prononcer la grandeur d'Allah Azza wa Jal a un impact dans l'extinction du feu. فَإِنَّ كِبْرِيَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٍ La grandeur d'Allah Azza wa Jal et l'orgueil d'Allah Azzawajal, car Allah Azzawajal est le seul qui a le droit d'être orgueilleux et qui est orgueilleux, subhanahu wa ta'ala. La grandeur d'Allah Azzawajal, rien ne peut lui faire face. فإذا كبر المسلم ربه أثر تكبيره في خمود النار وخمود الشيطان التي هي مادته. Et lorsque le musulman proclame la grandeur d'Allah et dit Allahu Akbar, cela a un impact dans le rabaissement du feu et le rabaissement du diable dont le feu est sa constitution. Car le diable, al-shaytan, est un djinn. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Donc le diable, al-shaytan, est un djinn. Et Allah Azza wa Jalla a dit, concernant les djinns, وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. Et Allah Azza wa Jalla a clairement dit que les djinns étaient créés de feu. Et donc le fait de dire Allahu Akbar lorsqu'il y a un incendie ou un feu, cela a un impact sur ce feu et cela rabaisse également le diable qui est créé de feu. Fa yatfa'u al-hariq wa qad jarrabna nahnu wa ghayruna hadha fawajadnahu kadhalika wallahu a'lam. Et nous avons essayé cela nous et autres que nous. Et nous avons trouvé que cela était vérité. Wallahu a'lam. Donc ici c'est l'imam al-Qayyim qui parle en disant qu'il a lui-même constaté cela et autres que lui ont constaté cela. Wallahu a'lam. Donc la parole de l'imam al-Qayyim rahimahullah, comme vous le voyez, il n'a pas cité le hadith. Il n'a pas cité le hadith. Donc on peut très bien dire que le takbir a un impact sur un impact sur le feu et sur le fait que le feu puisse s'éteindre grâce au takbir sans pour autant attribuer cela au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة. ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه على القلوب فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين فيحصل لهم مقصودان مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر لأن هذه الثلاث أكبر ما يطلبه العبد وهي مصالحه فخص بصريح التكبير لأنه أكبر نعمة الحق فجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير. Il dit, c'est-à-dire Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et tout ceci nous montre que le takbir est légiféré dans des moments grands ou lorsqu'il y a de grands rassemblements ou lorsque un fait immense vient d'avoir lieu ou lorsqu'il y a une situation de force ou dans toute autre situation grandiose afin de montrer qu'Allah est plus grand que toute chose et de montrer et de faire pénétrer dans les cœurs la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que la religion soit entièrement à Allah, et afin que ses serviteurs proclament tous la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, en proclamant la grandeur d'Allah, cela leur apportera deux choses. La première, l'adoration, qui est de proclamer la grandeur d'Allah, et de ressentir la grandeur d'Allah dans leur cœur, et également de demander l'aide, et de montrer la soumission des choses à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, qu'il est légiféré de faire le takbir lorsqu'il y a une personne qui est guidée, ou lorsqu'une personne obtient une pourvoyance, ou lorsque une personne a acquis une victoire. Car ces trois choses sont les choses les plus grandioses qui sont demandées par les serviteurs, à savoir la guidée, la pourvoyance et la victoire. Et pour résumer tout cela, nous résumons tout cela en disant que le takbir est légiféré dans toute chose grandiose. Et Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit « وَلِهَذَا فَإِنِّي أَهِيبُ بِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى التَّكْبِيرِ عِنْدَمَا يُعْجِبُهُمْ أَمْرٌ فَهَذَا سُنَّةُ نَبِيِّهِمْ وليس التصفيق الذي جاءنا من أعدائنا المستعمرين وخاصة في اجتماعاتهم ومؤتمراتهم. » Cheikh Al-Bassam dit, c'est pour cela que j'encourage l'ensemble des musulmans à recourir au takbir lorsqu'une chose les surprend et les étonne, car ceci est la sunna de leur prophète et l'applaudissement qui nous est venu des ennemis colonisateurs et non pas les applaudissements qui nous sont venus de nos ennemis les colonisateurs et plus particulièrement lors de leur réunion ou de leur rassemblement. Ça, on voit que les ennemis de l'islam, lorsqu'ils se réunissent, lorsqu'il y a des rassemblements, il dit une phrase et il y a 2 minutes d'applaudissement. Il dit une deuxième phrase, 2 minutes d'applaudissement. Yani, cela ne fait pas partie des coutumes de l'islam, des musulmans. Et au contraire, l'islam nous enseigne que l'applaudissement est une chose qui est réservée aux femmes pendant la prière, pour interpeller l'imam. Lorsque l'imam fait une erreur ou lorsque il est victime d'un oubli ou autre, les hommes, qu'est-ce qu'ils disent ? Subhanallah. Et les femmes, elles tapent des mains. Donc, l'applaudissement que l'on peut voir malheureusement et que l'on peut constater chez beaucoup de musulmans à notre époque, ceci n'a rien de l'islam. Ce n'est autre qu'une ressemblance aux ennemis de l'islam, aux colonisateurs, qui ont importé cela dans les pays musulmans lors de leur colonisation. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب